je rêve éveillé, essoufflé, courir après les billets, même quand j'en ai ça me suffit pas. Petite voix dans ma tête, m'a soufflé reste en bas, mais je lâche pas, on s'était promis d'y arriver. Autour d'une feuille au CB, la concu à la diarrhée, je fais l'autotune, mais pas de la variété, juste pour varier, montrer que je peux le faire, voir les autres vriller, je fais des ronds, je tourne en rond, comme mon CD. Courir après la réussite, je finis obsédé, je suis ok comme le CT, je vais pas les citer, trop de nez, je n'aperçois l'immensité, on est tous passés. Par tu vas pas percer, en vrai je ne veux pas. Je remets ça à demain et je retourne me coucher. Et je retourne me coucher. Et je retourne me coucher. La vie nous pète le dos, y'a pas de super-héros comme chez Marvel. Pourtant je traverse ma ville avec un scorpion doré sur ma veste. Pas fini à l'urine, je dirais que je suis fini à l'essence. Le pouvoir coûte une jambe, demande à Emmanuel ou Alexandre. T'es malaisance, j'ai commencé dans les années 2000. Non, qu'on ait soulevé la coupe, ça me fait pas mieux dormir. On percera pas, donc je suis pas prêt d'exploser des guitares. J'aime te dire qu'à la fin c'est toujours la CIA qui gagne. L'espoir fait vivre, donc j'ai laissé mes rêves dans les abîmes. Ça remplit pas le frigo de savoir que je suis la meilleure plume de la ville. Je connais pas les réponses, te plaît poto, garde tes questions, ça sert à quoi l'avenir quand tes rêves tiennent dans une carte électro. Je voulais arrêter le rap, voilà un 16 qui tombe à pic. L'amour a pris 20 piges, je crois que le bonheur c'est psychosomatique. Point positif, je crois que mon intellect a pris de l'âge. Et le rap conscient s'appelle même pas une garde-robe à Primark.